Le programme du jour, enfin le premier passage du jour, c'est Un bruiteur de Kiko et Seva, que je vais tout de suite vous diffuser. Donc de nouveau, la règle du jeu, c'est de ne pas trop en dire, mais de bien l'écouter. On y va maintenant. Bruiteur, Kiko et Seva. Aujourd'hui, A13, boule verte ou rugueuse. Vous avez donc bien entendu un des bruiteurs de Kiko et Seva,